Qui dit nouvelle semaine dit nouvelle chronique jeux vidéo. Au programme Minecraft, ce jeu publié le 18 novembre 2011 par un développeur qui se nomme Marcus Persson, puis repris par Mojang Studio. C'est un jeu vidéo en bac à sable où on incarne un personnage qui apparaît dans un monde cubique où le seul but est de créer ce qu'on peut imaginer. Le jeu a d'ailleurs bien vieilli depuis. Minecraft est le jeu le plus vendu de tous les temps avec 300 millions d'exemplaires en 2023. Les développeurs ne cessent d'ajouter du contenu malgré 15 ans d'existence. Bienvenue les coups de vieux. Le jeu a aussi reçu une adaptation en film, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi Minecraft reste toujours dans l'industrie du jeu vidéo? Et la réponse, sa communauté. Les joueurs peuvent modifier leur jeu pour ajouter des contenus à leur guise, ce qui permet d'avoir une source infinie de contenus communs tout en gardant leur mérite. Mon ressenti est que le jeu est assez calme et est assez simple à comprendre, avec une musique qui touche à la perfection. Voilà pour aujourd'hui, à une prochaine pour un nouveau jeu.